La lecture du soir sur la radio des bons coups. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona et Louison. Bonsoir à tous, vous êtes avec Louison sur la radio des bons coups pour la bonne lecture du soir. Nous sommes toujours avec notre ami Hercule Poirot qui est à King's Lassie et qui a reçu un mystérieux message hier qui lui disait « Ne mangez pas rien du pudding ». On n'a pas de nouvelles de l'enquête pour le vol de Ruby et nous sommes au moment de Noël. Et nous allons commencer donc ensemble le chapitre 4. Le déjeuner de Noël commença à 2h de l'après-midi. Ce fut un véritable festin. Des troncs d'arbres flambaient dans la grande cheminée, des étincelles faisaient un feu d'artifice dont les conversations et les rires dominaient pourtant les joyeux craquements. Au potage aux huîtres avaient succédé deux énormes dindes qui repartirent pour la cuisine à l'état de carcasse. C'était le moment suprême, l'arrivée en grand apparat du plum pudding. Le vieux Pèvrel, malgré ses 80 ans, ses mains et ses genoux branlants, n'avait pas toléré qu'un autre que lui l'apportât. Miss Lassie le suivait des yeux, les mains jointes, contractées par l'angoisse. Elle était persuadée qu'un jour de Noël, Pèvrel tomberait mort en rentrant avec le pudding. Il fallait bien choisir entre ce risque-là et celui de vexer le vieux maître d'hôtel à un point tel qu'il préférerait certainement la mort. Elle s'en était tenue jusqu'alors au premier. Le pudding, gros comme un ballon de football et couronné d'une branche de houx triomphale, reposait dans toute sa splendeur, entouré de flammes, sur un plat d'argent. Des acclamations l'accueillirent. En dépit d'une opposition opiniâtre, Miss Lassie avait obtenu de Pèvrel qui lui apporta le plat afin qu'elle remplisse chaque assiette, plutôt que de le lui voir passer autour de la table. Elle poussa un soupir de soulagement dès que le pudding fut en sécurité devant elle et distribua rapidement les parts encore flambantes. « Vite, monsieur Poirot, faites un vœu !» cria Bridget. « Vite, avant que la flamme ne s'éteigne ! Oh, grand-mère chérie, dépêchez-vous » Rassénérée, Miss Lassie s'appuya au dossier de sa chaise. L'opération pudding était un succès. Devant chaque convive, sa part flambait encore. Il y eut un instant de silence. Chacun se recueillait pour faire un souhait. Personne ne remarqua l'expression un peu bizarre de Monsieur Poirot contemplant son assiette. Ne mangez pas rien du pudding. Qu'est-ce que cet avertissement sinistre pouvait bien signifier? Tout en s'avouant vaincu, ce qu'il n'aimait pas, il prit sa cuillère et sa fourchette. « De la sauce forte, monsieur Poirot ?»« C'est encore ma meilleure eau de vie qu'on a raflée, hein, Amy ?» cria gaiement le colonel de l'autre bout de la table. « Miss Ross insiste toujours sur la qualité de l'eau de vie, mon chéri. Il paraît que c'est là le secret du pudding, » répondit Miss Lassie avec un sourire malicieux. « Bon, bon, Noël ne revient qu'une fois par an, et Miss Ross est une femme grandiose et une cuisinière incomparable. »« Ça, c'est bien vrai. » « Ce pudding est du tonnerre !» déclara Colline, la bouche pleine. Doucement, avec délicatesse, Poirot attaqua sa tranche de pudding. Il en mangea une bouchée, c'était délicieux. Il en avala une seconde et s'apprêtait à en prendre une troisième, lorsqu'un léger tintement dans son assiette l'arrêta. Bridget, qui était à sa gauche, intervint. « Vous avez quelque chose, monsieur Poirot? Qu'est-ce que c'est ?» Du bout de sa fourchette, Hercule Poirot dégagea un petit objet métallique de sa gangue de raisin et le trempa dans son rince-doigt. « Oh !» cria Bridget, « c'est le bouton du vieux garçon !»« Il est très joli, » dit Poirot. « Ça veut dire que vous resterez célibataire, monsieur Poirot, » expliqua gentiment Colline. « Il fallait s'y attendre, » dit Poirot d'un ton grave. « Voilà de longues années que je suis célibataire. Il est peu probable que je change mon état civil à mon âge. »« Il ne faut jamais désespérer, » s'écria Michael. « J'ai vu l'autre jour dans le journal qu'un type de 99 ans venait d'épouser une fille qui en a 22. »« Vous me rendez courage, » déclara Poirot. Tout à coup, le colonel devint cramoisi. Il porta vivement la main à ses lèvres en rugissant. « Nom d'un chien, Emeline, pourquoi diable laisses-tu la cuisinière mettre du verre dans le pudding ?»« Du verre ?» s'écria Miss Lassie, stupéfaite. Le colonel retira de sa bouche l'objet en cause. « J'aurais pu me casser une dent. » ou avaler sacré machin et avoir une appendicite. Il rinça le morceau de verre et l'examina à contre-jour. « Regardez-moi ça, c'est une de ces pierres rouges qu'on met au bout des pétards. »« Vous permettez ?» demanda Poirot en tendant vivement la main par-dessus la tête de sa voisine. Le colonel lui passa l'objet. Il le considéra attentivement. Comme l'avait dit M. Lassy, c'était une grosse pierre rouge de la couleur d'un rubis et ses facettes étincelaient tandis qu'Hercule Poirot le retournait sous la lumière. Au bout de la table, quelqu'un repoussa brusquement une chaise puis la remit en place. « Eh bien, mon vieux, tu parles d'un truc, si c'était un vrai rubis ?» cria Michael. « Mais c'en est peut-être un vrai ?» dit Bridget, toujours optimiste. « Quelle dinde ! Un rubis de cette taille, ça vaudrait des millions et des millions et des millions de livres, n'est-ce pas, monsieur Poirot ?»« Certainement. » « Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment cette pierre se trouvait dans le pudding, » déclara Miss Lassie. Mais Colin poussa un hurlement indigné. « Oh, j'ai le cochon ! C'est de l'injustice !» Du coup, il en avait oublié la pierre. « C'est Colin quel cochon, c'est Colin quel cochon, Colin n'est qu'un goinfre !» chanta aussitôt Bridget. « Et moi, j'ai la bague !» annonça Diana d'une voix claire. « Bravo Diana, c'est toi qui te marieras la première !»« J'ai le dé !» gémit Bridget. « Bien fait !» clamèrent les deux garçons. « Bridget restera vieille fille !»« Qui a la pièce ?» demanda David. « Il y a une vraie pièce de 10 shillings en or, Miss Ross me l'a dit. »« Je crois que c'est moi le vénard !» dit Desmond Lee Worsley. Deux voisins du colonel entendirent celui-ci grommeler. Ça ne pouvait être que lui. « Moi aussi j'ai une bague !» proclama David en regardant Diana. « Quelle coïncidence !» Au milieu des plaisanteries, personne ne remarqua que, sans en avoir l'air, Hercule Poirot, qui semblait penser à toute autre chose, avait glissé la pierre rouge dans sa poche. Des minces pies et toutes les friandises traditionnelles de Noël suivirent le plum pudding. Ensuite, les convives les plus âgés se retirèrent pour faire une petite sieste en prévision de la cérémonie du soir, l'illumination de l'arbre qui aurait lieu à l'heure du thé. Toutefois, Hercule Poirot, loin d'aller se reposer dans sa chambre, se rendit dans l'antique cuisine, grande comme une halle. Il ouvrit la porte et demanda avec un large sourire « M'est-il permis de présenter à la cuisinière mes félicitations pour le repas merveilleux que je viens de savourer ?» Toute activité cessa brusquement dans la cuisine. Miss Ross s'avança, pleine de dignité, grande et force, forte, elle avait la noblesse et la majesté d'une duchesse de théâtre. Deux femmes maigres, déjà grisonnantes, lavaient la vaisselle et une gamine aux cheveux filasses allait et venait entre l'évier et la table. Mais ces trois personnages ne tenaient évidemment que de rôles subalternes. Miss Ross était la souveraine de ce royaume. « Je suis contente de savoir que vous l'avez apprécié, monsieur, » dit-elle aimablement. « Apprécié ?» s'écria Poirot. Et avec un de ses gestes extravagants et si peu anglais, il porta la main à ses lèvres, y déposa un baiser sur lequel il souffla pour l'envoyer au plafond. « Vous êtes un génie, Miss Ross, un vrai génie. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux. Le potage aux huîtres et la farce des deux dindes, la farce au marron surtout. » Il fit entendre un petit claquement de la langue. « C'est à mon avis absolument unique. » « Voilà qui m'intéresse, monsieur. Vous avez remarqué cette farce. C'est une recette très particulière. » Elle m'a été donnée par un chef autrichien avec qui j'ai travaillé il y a bien des années. Pour le reste, c'est simplement de la bonne et honnête cuisine anglaise, expliqua-t-elle gracieusement. Est-il rien de meilleur ? Demanda Hercule Poirot. C'est aimable à vous de dire ça, monsieur. Il serait naturel qu'un monsieur comme vous, qui n'êtes pas anglais, préfère le style continental. Je puis d'ailleurs cuisiner les plats qu'on aime sur le continent. Je suis persuadée, Miss Ross, que vous réussirez n'importe quel plat. Mais vous savez sûrement que la cuisine anglaise, la bonne cuisine anglaise, pas celle des hôtels ou des restaurants de second ordre, est très appréciée par les gourmets du continent. Je crois ne pas me tromper en vous racontant qu'au début du XIXe siècle, une mission spéciale s'est rendue à Londres et a envoyé en France un rapport sur les merveilles des puddings anglais dans lequel on disait ceci. Il vaut la peine de faire le voyage de Londres pour en découvrir l'excellence et la variété. Nous n'avons rien de tel en France. Et au-dessus de tous les puddings, Poirot continua. Lancé à fond dans un hymne dithyrambique, je place le Christmas pudding dont nous nous sommes régalés aujourd'hui. C'est vous-même qui l'avez fait, n'est-ce pas ? Il ne pouvait venir de chez un traiteur. Naturellement, monsieur, c'est moi qui l'ai fait. Avec ma recette à moi, celle que je suis depuis des années. Quand je suis arrivée, Miss Lassie m'a dit qu'elle avait commandé un pudding à Londres pour m'éviter de la peine. Je lui ai dit « Non, madame ». C'est bien de l'amabilité de votre part, mais vous n'achèterez jamais un pudding qui puisse valoir un vrai Christmas pudding fait chez vous. Et encore, monsieur, poursuivit Miss Ross, un véritable artiste, empoigné par son sujet, un bon pudding doit être fait plusieurs semaines à l'avance et attendre. Plus longtemps on le garde, dans une mesure raisonnable, bien sûr, meilleur il est. Je me rappelle quand j'étais petite, nous allions tous les dimanches à l'église, vers la fin de novembre. On tendait l'oreille pour bien entendre la collecte. Si c'était celle qui commençait par « Levez-vous, Seigneur, nous vous en supplions », on peut dire que c'était le signal. Il fallait faire les puddings cette semaine-là. Et on n'y manquait jamais. On entendait la collecte le dimanche et on était sûr que dans la semaine, ma mère ferait les puddings. C'est ce que j'aurais voulu faire, monsieur, mais je n'ai pu m'y mettre que la veille de votre arrivée. Seulement j'ai suivi la vieille coutume. Il a fallu que tous ceux qui se trouvaient dans la maison viennent à la cuisine et que chacun à son tour tourne la pâte et fasse un souhait. C'est une habitude de l'ancien temps et je n'y ai jamais manqué. Voilà qui est intéressant, très intéressant même. Alors, tout le monde est venu dans votre cuisine, Miss Ross? Bien sûr, monsieur. Les jeunes monsieur et Miss Bridget et le monsieur de Londres que madame a invité pour Noël et sa sœur. Et monsieur David et Miss Diana. Je devrais dire Miss Middleton. Ils ont tous donné leur coup de cuillère. Combien de puddings avez-vous fait? Celui que nous avons mangé n'était pas le seul. Non, monsieur, j'en ai fait 4. 2 gros et 2 petits. L'autre gros, je pensais le servir le 1er janvier. Et les 2 plus petits, je voulais les garder pour madame et le colonel quand ils seraient seuls, après le départ de la famille. Je vois, dit Poirot. Pour tout vous dire, monsieur, ce n'est pas le pudding de Noël qu'on vous a servi aujourd'hui. Pas le pudding de Noël? Comment ça? Demanda Poirot. Voilà, monsieur. Pour le pudding de Noël, nous avions un grand bol en belle faïence avec un décor de houx et de gui. Et c'est toujours là-dedans que nous faisons bouillir le pudding du jour de Noël. Mais il nous est arrivé un accident bien malheureux. Ce matin, quand Annie est allée le chercher sur l'étagère du garde-manger, le bol lui a échappé et s'est cassé en 1000 morceaux sur le dallage de la cuisine. Naturellement, il n'était pas question de servir le pudding. Il était plein d'éclats de faïence. Il a fallu prendre l'autre, celui du jour de l'an, qui était dans un bol ordinaire. Il faisait aussi une jolie boule, mais il était moins décoratif. Je me demande où nous retrouverons un bol pareil. De nos jours, on n'en fait plus de cette taille. On ne trouve plus que du matériel de rien du tout. Même pas un plat qui tienne seulement 8 ou 10 œufs avec le lard, ce qu'il faut pour le petit déjeuner, quoi. Ah, c'est plus comme dans le temps. Non, bien sûr, dit Poirot. Mais ici, aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre de ça. Nous avons eu un Noël pareil à ceux d'autrefois, n'est-ce pas vrai? Miss Ross soupira. Pour sûr, monsieur, et je suis contente de vous l'entendre dire. Mais on n'a pas plus l'aide qu'on devrait avoir. On n'a pas plus d'aide qui connaissent son métier. Les filles d'aujourd'hui, oh, elles veulent bien faire. Ça n'a pas de mauvaise volonté, mais ça n'a pas été formé. Je suis sûre que vous me comprenez, monsieur, ajouta-t-elle en baissant la voix. Les choses changent. Parfois, j'en suis attristée, moi aussi, déclara Poirot. Vous voyez, monsieur, cette maison est trop grande pour madame et le colonel. Madame le sait bien. En habiter juste un coin comme ils le font, ce n'est plus du tout la même chose. On peut bien dire qu'elle ne reprend vie qu'au moment de Noël, quand tous les jeunes y reviennent, dit Miss Ross. C'est la première fois, n'est-ce pas, que monsieur Lee Worsley et sa sœur y viennent aussi. Oui, monsieur. Et le ton de Miss Ross se fit un peu plus réservé. Un monsieur bien aimable, certainement, mais enfin, si j'en juge à mon idée, ça paraît un drôle d'ami pour Miss Sarah. Mais il faut bien dire que les manières de Londres ne sont pas pareilles aux nôtres. C'est malheureux que sa sœur soit si souffrante. C'est une opération qu'elle a eue. Elle avait l'air très bien le premier jour, mais le soir même, ça l'a reprise, une fois que nous avons eu fini de tourner le pudding. Elle n'a pas quitté son lit depuis. Elle a dû se lever trop tôt après l'opération. Les docteurs d'aujourd'hui vous sortent de l'hôpital avant seulement qu'on tienne sur pied. Tenez, la femme de mon propre neveu et Miss Ross s'embarqua dans un récit plein de verve mais fort long des traitements qu'avait dû subir dans divers hôpitaux une partie de sa parenté comparée aux soins qui lui auraient été dispensés jadis. Poirot se montra plein de sympathie et de compréhension et termina en lui disant « Il me reste à vous remercier de ce repas exquis et somptueux. Vous accepterez une modeste témoignage de ma gratitude et de mon admiration. » Un billet de 5 livres, tout neuf, passa de sa main dans celle de Miss Ross, qui murmura uniquement pour la forme « Oh, monsieur, je vous en prie. » « Si, si, j'y tiens, » dit Poirot. Et Miss Ross accepta le cadeau comme son dû. « C'est beaucoup de bonté de votre part, monsieur, » dit-elle. « Je vous souhaite un heureux Noël et une très belle année. » Et c'est la fin de notre chapitre 4. On se retrouve évidemment demain, à la même heure, pour le chapitre 5. À bientôt. La lecture du soir sur la radio des bons coups. Pour s'endormir tout en écoutant la lecture du soir. Bonsoir et bienvenue dans cette quatrième chronique Lecture Nocturne. Dans les épisodes précédents, eh bien, il s'en est passé des choses. En gros, Alex, le crush au torse luisant de Macy Jackson, la docteure de Lindenville, est revenu dans sa vie après 5 ans d'absence. Et il flirte de ouf. Mais ce n'est pas si simple parce qu'on apprend que leur nuit d'amour torride 5 ans plus tôt a donné naissance à un enfant, Cory. Et ça, Alex Blocker ne le sait pas. Donc voilà, maintenant que vous êtes à peu près à jour, on repart pour le chapitre 4. Alex, sors de ton bain maintenant. Ton dîner est prêt, cria grand-mère depuis le couloir. Alex s'arracha aux pensées qui l'avaient agité pendant qu'il se détendait dans l'eau chaude. Dès qu'il avait quelques minutes de tranquillité devant lui, il ne cessait de revivre cette nuit unique et merveilleuse avec Messier. Cette nuit qui lui avait laissé un goût d'inachevé. Mais il valait mieux oublier tout cela. Messier était médecin. Elle avait appris à soigner. Belle, élégante et instruite, elle avait travaillé dur et consenti d'énormes sacrifices pour devenir la femme qu'elle était à 13 ans. Alex esquissa une moue désabusée. Lui aussi avait travaillé dur et avait renoncé à beaucoup de choses. Mais lui, il avait surtout appris à tuer. Cela ne faisait vraiment pas d'eux un couple idéal. De plus, Messi n'avait jamais voulu quitter Lindenville. Lui détestait la ville et avait fui très loin, sans la moindre envie de revenir s'y installer. Pourtant, depuis son retour, il s'était aperçu que Lindenville n'était pas l'impasse qu'il avait imaginée. Mais comment être sûr pour autant que c'était le meilleur endroit pour lui ? « Dis, maman, le grand monsieur, je le verrai encore chez grand-mère demain ?» demanda Cory. Messi, qui le bordait, se mordilla nerveusement la lèvre inférieure. Elle redoutait que Cory lui pose des questions sur Alex. Pourtant, il fallait bien répondre. « Oui, sûrement. » C'est le petit-fils de grand-mère, et il passe quelque temps chez elle. Pourvu qu'il trouve beaucoup d'occupations qui le retiendraient loin de la maison de Willadine quand Cory s'y trouverait, ajouta-t-elle pour elle-même. Je l'aime bien, déclara simplement l'enfant. Puis il roula sur le côté, serra contre lui son Mickey en peluche et ferma ses grands yeux bruns. Moi aussi je l'aime bien, pensa brusquement Messi. Aidez-moi, mon Dieu, je ne veux pas l'aimer, mais je ne peux pas m'en empêcher. Après un dernier baiser à son fils, elle quitta la chambre sur la pointe des pieds. Elle avait réussi à coucher Cory un peu plus tôt que d'habitude, mais il lui fallut encore effectuer ses corvées du soir avant de se mettre au lit pour quelques heures d'un sommeil bien mérité. Par la fenêtre au-dessus de l'évier, elle distingua une haute silhouette dans la cuisine de grand-mère. Alex. Il embrassa la tête argentée de Willadine alors que celle-ci posait quelque chose sur la table. Ensuite, il s'assit pour dîner. Comme elle enviait ce baiser, pensa Messi, émue par ce geste tout simple. Puis, elle détourna à regret son regard de la fenêtre d'en face, troublée par une multitude de pensées qui la rendirent étrangement triste. Plutôt raisonnable, elle n'avait pas l'habitude de rêver à des hommes ou à des choses inaccessibles. Alors pourquoi n'arrivait-elle pas à détourner ses pensées de sa nuit brûlante avec Alex 5 ans plus tôt? Pourquoi imaginait-elle sans cesse ce qui aurait pu exister ensuite entre eux? Stop, docteur Jackson, murmura-t-elle en fermant ses volets pour la nuit. Il ne s'intéresserait pas à quelqu'un d'aussi ordinaire que toi, et surtout à quelqu'un de Lindenville. Alors ma fille redescend sur terre. Il fallait interpréter leur baiser de la veille comme un tendre baiser de retrouvailles, et l'aide d'Alex, ensuite, comme de la simple gentillesse. Et ce qu'il avait fait pour elle, il l'aurait fait pour n'importe qui. Messi ôta ses vêtements, enfila une chemise de nuit de soie, et esquissa un sourire désabusé. Ce genre de vêtements de nuit était fait pour plaire à un homme. Mais dans son cas, aucun homme ne voyait jamais ses nuisettes. Pourtant, Messi aimait le contact de l'étoffe délicate sur sa peau. Un homme l'aimerait aussi. Alex avait l'impression d'avoir les yeux remplis de sable. S'il avait nourri l'illusion de rattraper en une nuit le sommeil qui lui manquait, ses espoirs s'étaient évanouis quand des images de Messi s'étaient brusquement glissées dans ses rêves. Ses souvenirs sensuels de leur nuit à Fayetteville l'avaient laissé en proie à une sensation presque douloureuse qui l'avait éveillé aux premières heures du jour. Il enfila son uniforme de service. Ses chaussures cirées avec soin brillaient comme un miroir. Songeant toujours à ses rêves de la nuit, décidément tenace, il noua sa cravate bleue sombre et l'ajusta autour de son cou. Son image dans la petite glace de la coiffeuse ancienne ne présentait aucun défaut. Personne, en le regardant, ne décèlerait les séquelles d'une nuit agitée. Il se frotta le menton. Son rasage était impeccable. Ses cheveux avaient la coupe réglementaire. Fin prêt pour l'entretien qui aurait lieu à Florence, en milieu de matinée, il prit son béret et le glissa sous son bras. Grand-mère lui imposerait sûrement une inspection serrée avant son départ, et cette pensée le fit sourire avec tendresse. Messi s'était postée devant la fenêtre de son séjour, et elle guetta la maison de Willadine entre les rideaux légèrement entrebâillés jusqu'à ce qu'enfin, Alex sorte. Elle espérait qu'il partirait avant qu'il soit l'heure d'emmener Cory chez grand-mère pour la journée. Quand il apparut enfin sous le porche, elle en eut le souffle coupé. L'uniforme bleu marine de l'armée de l'air mettait superbement en valeur sa beauté virile. Elle l'avait déjà vu dans cette tenue, à l'enterrement de CJ, mais ce jour-là, elle était trop triste pour y prêter attention. C'était sûrement aujourd'hui qu'il devait se rendre à Florence pour son entretien. Sous le porche, il respira l'air du matin, puis il posa son béret sur sa tête et se dirigea vers sa voiture. « Qu'est-ce que tu regardes, maman ?» demanda Cory depuis sa place habituelle, devant les dessins animés du matin. Messi laissa retomber les rideaux pendant qu'Alex déverrouillait la portière du 4x4. « Rien, mon chéri. Je me suis seulement souvenue que je n'avais pas posté mon courrier, » mentit-elle. « Tu peux regarder la fin de ce dessin animé pendant que je cours à la boîte aux lettres. » Elle saisit deux factures prêtes à l'envoi et sortit. Alex l'aperçut et agita la main dans sa direction. Messi répondit d'un geste timide. « C'est le jour de ton entretien ?» demanda-t-elle en se sentant stupide, car la réponse était évidente. Elle ouvrit sa boîte et déposa les plis à l'intérieur. « Oui, ça se passe à Florence. Si je suis retenue, je serai souvent ici. »« Zut !» pensa la jeune femme, pas vraiment ravie à la perspective d'avoir Alex en permanence près de chez elle. « Eh bien, bonne chance !» dit-elle avant de fermer sa boîte aux lettres. « Merci. Je n'arrive pas à savoir si je veux ou non ce poste. En tout cas, je suis ouvert à toutes les possibilités. J'espère que tu prendras la bonne décision. » Messi ignorait ce que serait exactement la bonne décision. Accepter le poste ou le refuser? Et en fait, pour qui se faisait-elle du souci? Pour elle ou pour lui? Elle éprouva soudain le besoin irraisonné de le retenir encore. « Oh, comment est-ce que je peux oublier à ce point la politesse ?»« Comment cela ?» demanda Alex en ouvrant la portière. « Je voulais parler de ce délicieux pique-nique que tu m'as apporté. J'étais débordée et j'ai oublié de te remercier comme il se doit. Merci beaucoup. Tu n'imagines pas à quel point j'avais besoin de cette pause, même si je refusais de l'admettre. » Le visage d'Alex s'éclaira d'un grand sourire, et Messi eut toutes les peines du monde à ne pas aller le remercier de plus près. « Je crois bien que je l'avais compris, » dit-il simplement. « Cela m'a fait plaisir. » J'ai beaucoup apprécié, même si je ne l'ai pas montré, insista-t-elle, sachant qu'elle parlait vraiment pour ne rien dire. Juste pour le plaisir de le regarder, à quelques mètres d'elle. J'avoue que j'étais un peu déconcertée. La tornade, les blessés. À ton service. Mais où ai-je la tête? Tu as un rendez-vous? Excuse-moi, je te laisse. Alex consulta sa montre. Il faut que je me sauve. Avec la tempête, j'ignore quel est l'état des routes entre ici et Florence. À bientôt, dit-il avant de s'asseoir dans sa voiture. Oui, à bientôt, pensa Messi, sans être sûre d'avoir vraiment envie de le revoir. Pourtant, elle regarda la voiture s'éloigner, et un sentiment de vide l'envahit quand elle l'a perdue de vue. Mais qu'est-ce qui lui prenait? Voilà qu'elle épiait Alex comme une adolescente amoureuse, tout en espérant qu'il allait quitter la ville. Il fallait absolument qu'elle maîtrise les sentiments que lui inspirait cet homme-là, et vite, avant de devenir complètement ridicule, ou de se fourrer dans un imbroglio dont elle aurait du mal à s'extirper. Avant toute chose, il fallait trouver le moyen de lui parler de ce qui s'était passé cette nuit-là, 5 ans auparavant. Mais comment le faire sans apparaître comme une égoïste et une lâche? Comment allait-il réagir à cette nouvelle? Messi rentra dans la maison et frappa des mains. « Allez, Cory, vite! J'ai mes malades à voir et grand-mère t'attend !» Le garçonnet alla éteindre la télévision et Messi laissa échapper un profond sourire. Quand les choses étaient-elles devenues subitement si compliquées? Enfant, elle avait toujours pensé qu'un jour, elle épouserait Alexander Blocker et qu'il vivrait heureux. Quand il était parti pour s'engager dans l'armée, elle avait espéré qu'il reviendrait un jour pour l'enlever. Après leur nuit d'amour dans l'appartement de CJ, elle avait rêvé qu'il allait lui jurer d'un amour éternel. Mais quelle idiote elle avait été! Il n'était pas venu, et les années avaient passé. Trop d'années, gâchées à espérer en vain son retour ou un signe de lui. Et maintenant, elle craignait qu'il ne croie pas ce qu'elle lui dirait sur Cory, et regrettait presque de l'avoir revu. Les fins heureuses appartenaient aux contes de fées, et non à la vraie vie. Et pourquoi éprouverait-elle toujours ce besoin de rêver? Sa vie ne lui avait jamais fait de cadeau. Il n'y avait aucune raison pour que cela change maintenant. « Maman, je suis prêt !» Arrachée à ses pensées, Messi adressa à son fils un sourire attendri. Il était la seule bonne chose qui lui soit jamais arrivée. Elle le prit par la main et traversa les pelouses humides de rosée qui séparaient sa maison de celle de Willadine. Alex quitta le bureau de recrutement de Florence. D'un regard, il contrôla dans la vitrine du magasin voisin la position de son béret, de façon à ce que l'insigne soit positionné correctement. Puis il rejoignit sa voiture. Le colonel Arbeson avait estimé qu'en tant que membre d'une unité d'élite, il offrirait une image attrayante de l'armée de l'air, mais cela n'avait pas dissipé ses doutes sur ce qu'il voulait réellement faire de sa vie. Ne trouverait-il pas ennuyeux de rester assis toute la journée derrière un bureau? Saurait-il convaincre des jeunes gens qu'il n'existerait rien de mieux pour eux que de vouer leur vie au service de leur pays? Pensif, il ouvrit la portière. Dans la vie civile, il existait peu de débouchés pour le parachutisme. Et de toute manière, avec son satané genou, il ne pouvait plus sauter. Même l'enseignement de cette discipline lui serait impossible. Au moins avait-il le luxe de savoir que cet emploi était à sa disposition s'il le voulait. Cela lui permettrait d'effectuer les 2 dernières années sur les 20 nécessaires pour toucher sa pension de retraite. Il n'avait pas voué tout ce temps à l'armée pour tout abandonner à la dernière minute. La pension l'aiderait quand il commencerait une nouvelle carrière, pensait-il en tournant la clé de contact. Le trajet de retour lui parut très court, et bientôt, il empruntait la rue calme bordée d'arbres qui menait à la maison de sa grand-mère. Quelques instants plus tard, sa voiture garée, il remontait l'allée et entrait. Dans le hall, il fut accueilli par un délicieux parfum et par le fond sonore des dessins animés de l'après-midi. Le petit garçon était là, assis en tailleur devant la télévision, captivé par un dessin animé dont les personnages semblaient tout droit sortis d'un jeu vidéo. « T'es revenu !» s'exclama-t-il en se relevant d'un bond. Ses yeux s'agrandirent. « T'es dans l'armée ?»« Dans l'armée de l'air, » précisa patiemment Alex. « J'ai jamais vu un uniforme de près. »« Alors regarde. » L'enfant tourna autour de lui en le détaillant de la tête aux pieds. « Tu le portes tout le temps ?»« Non, seulement dans des occasions particulières. La plupart du temps, pour travailler, je porte ma tenue de combat. » L'enfant s'était planté devant lui, les yeux écarquillés. « T'es un général avec toutes ces médailles, là ?»« Non. Je suis sergent, » expliqua Alex qui commençait à s'impatienter. « Et ce ne sont pas des médailles, ce sont des galons. Les médailles ne se portent que pour les cérémonies. » Visiblement, le mot « cérémonie » laissa le garçonnet perplexe, mais il ne demanda aucune explication. « Et sergent, c'est plus que général ?» Alex éclata de rire. « Je voudrais bien, mais malheureusement ce n'est pas le cas. » « Cory, à qui parles-tu » demanda Willadine depuis la cuisine. « C'est moi, grand-mère. Je viens juste de rentrer, » répondit Alex, la rejoignant devant les fourneaux. « Alors, comment s'est passé ton entretien ?»« Bien. Je peux avoir le poste, si je veux. Mais j'ai demandé à réfléchir avant de donner ma réponse. » Après avoir changé de tenue dans sa chambre, il sortit dans le jardin, où de grosses branches gisaient encore, éparpillées par le vent. Cory, qui l'avait suivi, s'amusa à taper dans des ballons pendant qu'il ramassait le bois. « Pourquoi t'as plus ton uniforme sur toi, maintenant ?» Il laissa tomber le ballon et le frappa avec le pied. Le ballon rebondit sur le côté et s'arrêta. Le gamin avait bien besoin de quelques conseils techniques, pensa Alex. « Je ne veux pas le salir. J'ai mis un jean parce que c'est un vêtement fait pour le travail. »« Et l'autre uniforme ? La tenue de combat ?»« Je ne l'ai pas apporté, parce qu'ici je ne vais pas à la bataille. » « Je mets juste de l'ordre dans la cour de ma grand-mère. »« Ah bon ? C'est ta grand-mère pour de vrai ?»« Oui, pour de vrai. Et maintenant, laisse-moi finir mon travail. Ensuite, nous nous entraînerons au football. » Le petit garçon arbora un sourire radieux. Il ne fallut qu'un court moment à Alex pour débarrasser la cour. « Voilà, » dit-il en se retournant vers Cory. « Tu es prêt à jouer ?»« Oui, monsieur, je suis prêt !» répondit l'enfant avec un grand sourire. Mais l'entraînement ne dura qu'un court moment. Messi, les mains sur les hanches, était debout sur le perron de sa maison et appelait l'enfant. Alex voulut lui adresser un signe amical, mais la jeune femme l'ignora superbement. « Tu m'entends, Cory ? Je veux que tu rentres tout de suite !» reprit-elle, glaciale. « Quelle mouche l'avait donc piqué ?» se demanda Alex. Tout ce qu'il faisait, c'était de jouer au ballon dans la cour. Et on aurait cru qu'il se lançait une grenade découpillée. « Mais maman, on s'amuse bien, tonton Alex et moi. On joue au foot !»« J'attends !» répondit Messi d'un ton qui n'admettait pas de réplique. « J'arrive !» « Mais je m'amusais bien, maman !» protesta l'enfant. Traînant les pieds, il traversa la pelouse et franchit le portillon entre les deux maisons. À cet instant-là seulement, Alex réalisa. Cory l'avait appelé maman. C'était le fils de Messi ? Il n'avait vu aucun anneau au doigt de la jeune femme. Et tout le monde l'appelait Dr. Jackson. Évidemment, elle avait pu garder son nom de jeune fille pour des raisons professionnelles. Et il y avait sûrement de bonnes raisons pour qu'elle ne porte pas d'alliance au dispensaire. Tout s'éclairait. Voilà pourquoi elle se montrait si tendue et réticente. Alex réprima un juron. Avait-il embrassé la femme d'un autre ? Et c'est sur cette note de suspense que s'achève ce chapitre 4. Mais ne vous inquiétez pas, il en reste 9. En attendant la suite, passez une très bonne nuit, puis un très bon dimanche. Les bisous! La lecture du soir, sur la radio des bons coins. Pour s'endormir, tout en écoutant. La lecture du soir, avec Mona et Louison. Toute l'équipe de la Radio des Boncons vous souhaite une bonne nuit à l'écoute de ces programmes.